J'avais des aînés sur le sable, son vieux visage qui me souriait. Puis elle a vu sur ses plages danser l'orage. Elle est disparue. Et j'ai crié, crié à lui pour qu'elle vienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais tout de fait. J'ai mes oisis après son âme, mais la belle dame, c'était l'infini. J'ai les asiles, sa bouche crade, et sa nuit d'espérer, pour me guérir. Et j'ai crié, crié à lui, pour qu'elle vienne, et j'ai pleuré. J'ai dégagé qu'une série du visage, qu'une nuit de femme sur sa belle. Et j'ai crié, crié à lui pour qu'elle vienne. Et j'ai pleuré.